Selon le journal d'internet sud-coréen Quotidien de la Nation, le Parti pour le rétablissement du bien-être a tenu le 19 devant la Maison Bleue une conférence de presse et publié le commentaire de la chambre du porte-parole réclamant la liquidation des abus de la police.